19-10. Observation. Le temps qui passe. Quelle heure est-il? Il est 6 heures. Vous avez l'heure? Oh, il doit être vers 6 heures, 6 heures et demie. Vous savez quelle heure il est? Excusez-moi, mais je n'ai pas l'heure. Vous pouvez me dire quelle heure il est? Je n'ai pas de montre. Pourriez-vous me dire quelle heure il est? Ma montre ne marche pas. Ma montre est arrêtée. Pourriez-vous me dire l'heure qu'il est? Il n'y a pas d'horloge ici. Il n'y a pas d'heure pour les braves.